بوحدها يكفي للمؤمن، يكفي للمؤمن لما فيها من ذكر، من ذكر الله عز وجل بالآيات والأحاديث، ولما فيها من تعليم الخير والآداب ونشر السنة وغير ذلك. Donc, comme on a vu tout au long de ces quelques conférences ou mahadarat, le fait d'assister dans ce, à ce genre de, d'assises, c'est en lui-même un énorme bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et ceci en vue de tout ce que cela contient comme rappel d'Allah Azza wa Jal, soit par ses versets, soit par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit par l'apprentissage de certaines règles religieuses ou de certains comportements. Tout ça, c'est du khair. Et n'oubliez pas, ya ikhwata al-kiram, que al-mizan, l'une des mizan qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a placé pour savoir si la personne, Allah subhanahu wa ta'ala lui veut du bien ou pas, le fait qu'il lui enseigne la science. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il veut du bien, il lui enseigne la science. Certains savants ils disent que on comprend de ce hadith par une compréhension opposée que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala il veut pas du bien, il ne lui enseigne pas la science. فحرسوا وفقكم الله لمثل هذه المجالس ولمثل هذه المذاكرة. Donc soyez vigilants à assister ou à écouter ce genre de rappel. Et ne vous tournez pas vers ceux qui peuvent mettre en garde sans véritablement connaître ce qu'ils disent. Non. بل كثير من الناس لا يعلمون. Parce qu'il y a énormément de gens qui ne connaissent pas. Ils suivent. قال الشيخ فلان قال علان قال Ma'yakfi. On n'a pas vu la, yani, le danger de suivre les gens à l'aveuglette. Na'am. Fahrasu ala hadha al-khair wa jazakum Allahu khairan li hudurikum wa inshallah naktafi bi hadha al-qadr wallahu al-musta'an walhamdulillah ala kulli hal. Si jamais il y a des frères qui ont des questions et que on peut y répondre, soit moi, soit le frère Sofiane, soit Khouna Yassine. Yani, elle dit ça, fi akhir. Tala. Notre assise là, fi akhir. On a qu'à. Iddat tullab l'ilm. Il y a pas mal de tullab. L'ilm. Fi hadha al-majlis. Wa kadhalika. Yani, iddat huffaz le kitab Allah. Azza wa jal. Na'am. Donc celui qui a des questions là, les tafaddal ou illa naktafi bi hadha al-qadr wa subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Et si jamais oui, si jamais il y a des sœurs qui ont des questions à poser, ben inchallah ils passeront par la femme du frère Abdelkarim. Non. أخونا ياسين ما رأيك لو تلقي لنا كلمة مختصرة عشرة دقائق نستفيد ونفيد حتى ها؟ لا لا بل نراك على أهلية طيبة. Ça va être quoi l'argument de Dajjal pour attirer les gens vers lui? Ça va être quoi l'argument du Dajjal pour attirer les gens vers lui? Yani, c'est les miracles. Les miracles qu'il va accomplir devant eux. Khalas. que Dajjal il va dire qu'il est Allah ou autre chose comme ça. والله هذه سؤال طيبة. الظاهر الظاهر هو هذا. Ça c'est le ظاهر. لكن jusqu'à là j'ai pas lu quelque chose qui confirme ça. Peut-être Sophia. الدجال يأتي على مراتب. الدجال يأتي على مراتب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الدجال يظهر avec plusieurs étapes, des maladies. أولا يأتي فيقول أنه رجل صالح، رجل صالح. ثم يتأثر الناس به. Donc la première étape, c'est qu'il va venir, il va dire que c'est quelqu'un de Dieu. Il va se faire passer pour quelqu'un de Dieu. Les gens vont être influencés par lui. La deuxième étape, c'est qu'il va venir, il va dire أنه نبي. فيتأثر الناس به. وفي آخر الدرجة يأتي ويقول لهم أنه هو الله. إلى la deuxième, c'est qu'il va dire que c'est un prophète. La troisième étape, c'est qu'il va dire que c'est هو الله. C'est pour ça que ses suiveurs, ils vont l'appeler إلهنا, ربنا. Comme il a cité le frère Jibril, l'homme qui va venir, ils vont attraper quelqu'un. Et un, il voudra le tuer. Et واحد منهم, il va dire, notre Seigneur nous interdit de tuer quelqu'un. Donc, la première martabe, c'est qu'il va dire que c'est quelqu'un de Dieu. Deuxième, c'est qu'il va dire que c'est un prophète. Troisième, c'est qu'il va dire que c'est un ilah. Alors, wa huwa akfar al-kuffar fi zamani. Il va venir à une époque où les gens ne parlent plus de lui. Amen. Alamatihi, c'est qu'il va venir à une époque où les gens ne parlent plus de lui. Donc, Ammat al-Nas, ils seront pas, ils auront oublié ses fitanes. Ce sera une époque où dans les Al-Aïma fait le Masadi, ils ne parleront plus de Dajjal. Donc, il va apparaître et les gens auront oublié les paroles du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a dit on a dit Billah min atba'ihi. Wallahu a'lam. جزاك الله خيرا يا أخانا سفيان. وهذه الأحاديث في أي كتاب؟ هذا تنظر في كتب الشيخ عبد الحميد الحجولي ذكر هذه ذكر أي ما تذكر في نسيت الأبواب بس يذكرون من تكلم في هذا في هذه المسألة في كتاب مسألة الجهر. طيب يذكرون جيد جيد جيد الله يبارك فيك. خلاص انت ما شاء الله خلاص وفقكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله. يا كون دعنا كسون طيب اي لحظة يا عبد الله لحظة اي دونك لا كيسيون دون سور كي دي كومون سو كومبورتي او ريبوندر فاس ا سو كي ميت ان غارد contre les gens de Dammaj, sans pour autant rapporter des preuves. Sans pour autant rapporter des preuves. صراحة الإعراض عنهم أعظم علاج. أعظم علاج. Le fait de se détourner de ce genre de personnes ou de ceux à quoi elles appellent, c'est la meilleure des choses. C'est la meilleure des choses. Et la fitna qui est hasila fi da'irati salafiyya, c'est une fitna qui maintenant elle a plusieurs années. Takallamu fiha man takallam wa bayyana fiha man bayyan bima yakfi wa yashfi. Et ça c'est une fitna qui a été éclaircie de plusieurs manières et de par plusieurs personnes. Celui aujourd'hui qui recherche vraiment la vérité, أولاً عليه أن يدعو الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من قلب إلا وهو بين أسبوعين من أصابع رب العالمين. إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك اللهم أعوذ بك أو اللهم ثبت قلبي على دينك. في بعض الروايات اللهم اسرف قلبي على طاعتك. نعم. دونك le prophète عليه الصلاة والسلام comme c'est venu dans un hadith il a dit qu'il n'y a pas un cœur sans qu'il ne soit un cœur d'une créature sans qu'il ne soit entre deux doigts des doigts d'Allah Azza wa Jalla. Quand il veut, il fait passer ce cœur soit dans le droit chemin, soit dans les garants. En fonction, yani, Allah subhanahu wa ta'ala hakamun adl. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne fait pas ça, si ce n'est avec une pleine justice et une pleine équité. Na'am. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir évoqué ça, il dit « Oh mon Seigneur, raffermis mon cœur sur ta religion. » فَلِنْسَانْ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ أَنْ يُثَبِّتَ عَلَى الْخَيْرِ عَلَى الْحَقِّ وَأَنْ يُرِيهِ اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقَّ وَارْزُقَنَا اتِّبَاعَ. Comme c'est venu dans certaines invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il disait « Oh Seigneur, montre-nous la vérité, vérité, et fais que nous la suivions. Et montre-nous le faux comme étant faux, et fais que nous en écartions. » Donc dans ce genre de fitna, soit la personne qui vient te met en garde, soit deux choses d'une. C'est une personne, soit une personne ignorante, qui ne sait pas. Et peut-être elle a une bonne niya, elle a juste écouté certaines personnes, et elle a dit voilà, c'est des gens, c'est pas des gens à suivre ou quoi. Tamam. Donc cette personne-là, là, ben, ce que tu lui dises, demande à Allah Azza wa Jal qui te montre la vérité, etc. Nahnu ala bayina. Nous, on est sur une chose ferme, on est sûr de nous. On évoquait avec certains frères le manque de certitude des gens qui mettent en garde. Ça veut dire, si chez eux on est des innovateurs, il n'y a plus besoin qu'ils aillent demander à Cheikh Fulan ou à Cheikh Antel ou à Hatta Ya'lam. هذا يدل على انهم ما هم على شيء واما نحن على بينه ولله الحمد ف ولعل اخونا ايوب يعني يكمل الكلمه وبعدين سفيان اذا j'ajoute sur le sujet que pour quelqu'un qui arrive maintenant parce que on voit des gens ils sont rentrés dans le dîn il y a un an deux ans et ils rentrent là-dedans. La meilleure chose à faire, c'est de les orienter vers Muhtasar al-Bayan, le premier rat qui a été écrit à l'époque de l'Adani. Et ça, c'est Abd al-Shaykh, parce que toute la fitna est des buts de là. C'est-à-dire, lis Muhtasar al-Bayan, je ne sais plus combien de pages ça fait, 90 pages, où il est en français, alhamdulillah, pour celui qui n'a pas l'arabe, et il verra le Munsif Yara, c'est-à-dire celui qui a de l'équité, celui qui est équitable et droit, il verra par lui-même. Ensuite, une chose importante avec ces gens, c'est qu'on voit beaucoup d'entre eux, ils ne sont pas sur travail des ménages salafi, ils ne sont pas sur les règles de base du ménage salafi de façon générale. Par exemple, lorsqu'un frère salafi parle avec eux, et qu'il dit « je vais te ramener telle chose », il dit, certains d'entre eux, ils disent, et ce n'est pas un seul, c'est beaucoup... Beaucoup ils disent la même chose. Quoi que tu me ramènes, je ne changerai pas d'avis. Ok, quoi que tu me ramènes, je ne changerai pas d'avis. Minayn hadaf id-din. Si on dit ça, c'est une qaïda de dire quoi que tu ramènes, je ne change pas d'avis, ça veut dire que tu considères qu'un avis précis, il est obligatoirement sur le haq, parce que ça, toi, c'est ton avis. À partir de là, on peut aller plus loin, on dit le kafir, il n'accepte pas l'islam en disant quoi que tu me ramènes, je ne change pas d'avis. À partir de là, il y a une chose importante, c'est que l'ignorance, dans le rapport des Jibril, l'ignorance, c'est pas toute ignorance qui est excusable. Et justement, les Ahlul Fatra, qui sont excusés et qui seront testés Yom Kiyama, c'est-à-dire ceux qui sont entre deux prophètes, et qu'on n'a pas entendu parler de l'islam, par exemple, ils seront éprouvés Yom Kiyama. Ceux-là, c'est des ignorants. D'accord. Maintenant, quelqu'un dont, à qui la science vient et qui la refuse, celui-là, il n'est pas pardonné. Il n'est pas excusé auprès d'Allah. Il n'est pas excusé des jugements qui en découlent. Et ça, beaucoup d'entre eux, c'est ça. Et ça apparaît clairement lorsque, justement, on leur dit, bah, lis tel truc. Et ils disent, non, moi, je ne lis pas. Donc, c'est comme Nuh, Allah Zawajal, il a dit, Ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Ils ont mis leurs doigts dans leurs oreilles. Et ils n'ont pas écouté Nuh, alayhi salam, ce qu'il leur disait. Ça n'a pas été une excuse auprès d'Allah de qu'Allah il châtie Yom al-Qiyamah, malgré qu'ils n'entendent pas ce avec quoi il est venu. D'accord. Donc ça, c'est général. Par exemple, un kafir, il ne veut pas écouter le Coran, on lui dit le Coran, il n'est pas excusé de dire ça ne m'est pas parvenu parce qu'il n'a pas voulu l'écouter. Donc ça, c'est la même chose. Et donc, ça, c'est un point. Le deuxième point que j'ai cité, que souvent, donc dans les règles du minhaj, on les voit loin, de dire par exemple, cher Intel. Certains, ils ont dit, cher Intel, s'il dit blanc, je dis blanc, s'il dit noir, je dis noir. Ça, on leur demande, ramène une ayah, un hadith, un kalam de salaf sur cette règle. À partir de là, ça, c'est des règles innovées qu'ils appliquent eux et dont ils ont fait un minhaj. À partir de là, ça montre, celui qui n'est pas sur les règles du minhaj salafi, s'il n'est pas salafi, et que ce n'est pas un ami, parce que beaucoup de awam, alhamdoulilah, ils sont sur des choses de sunnah, c'est clair pour eux. Moi, j'ai parlé avec des Arabes qui ne comprennent pas et tout, ils ont eu de la basira. Donc, c'est ça que je voulais juste ajouter, de revenir à Mortassa al-Bayan et de ne pas perdre du temps avec tout ce dont il rentre. Alhamdoulilah. Jazakallahu khairan. Et juste pour finir, comme a dit le Sha'ir, وهذا جميل للشعر العربي dans poésie arabe. Le poète a dit أو كلما طن الدباب طردته إن الدباب إذن علي كريم. Est-ce que toutes les fois que la mouche vibrera à moi, est-ce que je vais la chasser? Si c'était le cas, alors la mouche, elle aurait de l'importance pour moi. Et l'imam Shafi'i rahimahullah, il a dit dans une belle poésie aussi, il a dit أعرض عن الجاهل السفيه فكل ما قال فهو فيه. Écarte-toi de l'ignorant idiot, car tout ce qu'il dit, c'est en lui. C'est-à-dire tout ce qu'il dit sur les autres, c'est en lui. ما ضر نهر الفرات يوما أن بال بعض الكلاب فيه. Le fleuve du Forat, c'est-à-dire le Frat, ça a jamais posé problème que certains chiens, ils urinent dedans. Donc le sens, il est clair, que les ignorants, quoi qu'ils puissent dire, les gens mu'anidoun comme ça, ma yadurrun illa anfusahum, alhamdulillah. Jazakallahu khairan. Donc, Inch'Allah, on prend juste une dernière question. C'est une sœur qui demande quelles sont les actions que nous pouvons faire pour un mort, mis à part les invocations. هناك أعمال البر كثيرة. وأعظمها كما ذكرت الأخت الدعاء. La chose la plus importante pour ou l'œuvre la plus l'action la plus élevée pour un mort, c'est d'invoquer pour lui. Maintenant, il y a d'autres actions comme le fait de d'accomplir le Hajj ou aussi le fait de faire une sadaqa pour ce mort. Non. Et en ce qui concerne la question, elle demande est-ce qu'il est permis d'égorger au nom du mort. Alors si ça, c'est commis, ça c'est du shirk d'Allah Azza wa Jal. Le fait d'égorger au nom d'autre qu'Allah Azza wa Jal. Mais la halle, là, peut-être elle veut dire que... qu'elle mette la niya pour la personne. Et Cheikh Al-Uthaymeen, il a une bonne parole sur le fait de se contenter pour essayer de pour pour donner du faire augmenter le hajj de la personne qui est morte, il est mieux de se contenter sur ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, c'est-à-dire les deux, et celui qui qui peut faire le hajj. Fala ba'sa bih. Amma wa kadhalika sadaqa jariya. Amma ghayra dhalik. Fala ahsan. Fala kifaya bima jaa fil kitab wa sunnah. Le mieux c'est de s'arrêter à ce qui est venu dans le kitab et dans la sunnah. Bon, on a tardé là. On a tardé. Donc là. Ouais. Vas-y, Abdullah. من ولد في شهر ربيع الأول بعد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام هل يكون له ميزة في ذلك على سائر الناس؟ كيف ما فهمت؟ واحد ولد في 15 من ربيع الأول والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم قد ولد في 12 منه قد ولد هو يعني في سنة مختلفة أيوه. سنة النبي صلى الله عليه وسلم طيب إن شاء الله بعد الدرس بعد العشاء بعده بثلاث أيام خلاص بعد العشاء هل يكون له في ذلك ميزة؟ أوكي بعد العشاء إن شاء الله نتحدث والآن جاء وقت الصلاة إن شاء الله وقت